Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, hein, vous le voyez bien. Il est midi 2 et vous êtes bien sur Radio Guémozo 107 FM. Vous pouvez également nous écouter en direct depuis notre site internet www.radioguémozo.eu. Et je suis ravie de vous faire voyager avec moi aujourd'hui dans la bulle. Et pour cela, il est temps d'accueillir mon invité, Victor Grosjean du café et de la salle de concert de chez Narcisse. Victor, bonjour. Bonjour Lia, bonjour Guémozo, ravi de revenir. Je crois que la dernière fois, c'était il y a environ 6 mois, un petit peu plus, avant le festival l'année dernière en 2019. Ouais. Comment ça va ? Ça va très bien. Bonne année 2020 qui démarre, qui continue pour la saison chez Narcisse en salle et pour le festival. Et une année 2019 qui s'est bien terminée également. Eh bien, tant mieux. Justement, nous parlons avec toi de la 3e édition du Festival du Pied Orange qui aura lieu le 24, 25 et 26 juillet 2020, bien entendu. Alors, sur 3 jours, comme l'année dernière. L'année dernière, on a eu une opportunité de rajouter une journée le vendredi avec Ultra Vomi. Et on oui. s'est posé la question, on a validé assez rapidement. Cette année, on veut continuer à construire sur 3 jours et on n'est pas sur le tout dernier week-end de juillet, mais on est sur l'avant-dernier. D'accord. Et 24, 25, 26 juillet. Ok. Alors, beaucoup de nouveautés cette année dont nous allons parler tout au long de cette émission. La première est que cette 3e édition est donc parrainée, ou plutôt marrainée, car c'est Rebecca Warrior, la première marraine du festival Le Pied Orange. Rebecca Warrior, donc la chanteuse du groupe Sexy Sushi, Mansfield DIY, qui est venue la première fois en DJ set en solo en 2018. Donc, un très bel échange, une belle rencontre. Elle nous avait proposé en régulant d'être marraine du festival. Après discussion, sans savoir trop en quoi ça consistait, on lui a passé un coup de téléphone il y a 2 mois à peu près. Et donc, elle est marraine sur les 3 jours. Et super. Elle viendra avec un invité. On lui a laissé la carte blanche, donc elle invite son ami Vitalik, DJ, avec qui elle va jouer avec le groupe Compromat sur le samedi soir. Eh ben c'est super. Alors justement, on va écouter tout de suite un son de Compromat et on en parle juste après. We'll be right back. Et voilà pour ce premier son compromis avec Rebecca Warrior que vous retrouverez le samedi 25 juillet, tête d'affiche de ce samedi. Exactement. C'est ça. Donc elle vient accompagner, elle a aidé un petit peu à la programmation cette marraine. Sur le choix justement du groupe Comproma et sur le fait de faire venir son ami Vitalik. Mais d'accord. Du fait d'avoir une marraine avec une connotation de musique électronique, on a voulu justement insister, ajouter une petite touche sur le week-end, oui. Sans prendre de virage électronique. Cette année, on a 20 artistes avec 20 styles différents. Oui. Donc on y a ajouté deux artistes de style électronique, donc sur le vendredi soir, les Bloody Beetroots, oui. Amazon Experience aussi sur le samedi soir, et la chanteuse Pongo le samedi. Eh ben, on va revoir tout ça. Alors, est-ce que la billetterie est déjà ouverte pour cette troisième édition du Pied Orange. La billetterie est déjà ouverte depuis la première annonce la semaine dernière. À partir du 1er février, on pourra acheter les passes par journée au détail et pour deux jours. Super. L'année 2019 s'est plutôt très bien passée. Combien de spectateurs, de visiteurs ? 3000 ouais. En tout. Et sur ces 3000, on a deux scènes. Une en accès payant, une en accès gratuite. Donc on est sur moitié-moitié, sur 1500 entrées payantes et d'accord. Sur autant entrées gratuites sur l'extérieur. Sachant que cette année, on garde cette configuration sur 20 artistes. Il y en a 11 qui sont entrées payantes et 9 qui joueront en extérieur, en accès libre. C'est donc bien. Même si quelqu'un n'est pas forcément intéressé par les têtes d'affiche, il peut venir déguster le brassin du festival ou profiter des animations extérieures de manière entièrement libre. Super. C'est vraiment quelque chose que Narcisse veut perdurer, ça, l'accès libre, comme ça, voilà, les gens qui n'ont pas forcément les moyens, et puis c'est encore une fois accès à la culture et aux découvertes musicales à tous. Exactement. Le festival se passe dans une rue, on estime que la rue appartient à tout le monde, et un accès au bistrot d'accord. Doit être entièrement libre. Donc cette partie gratuite sur laquelle on s'est posé la question sur la première édition, on l'a confortée sur la deuxième. Et maintenant, je pense qu'on ne pourrait pas s'en passer parce que ça fait aussi partie de l'identité du festival. Super. Alors cette année, on vous réserve beaucoup de surprises hein, chez Narcisse, vous l'avez bien compris. Durant le festival, eh bien, on vous proposera 100% de nouveautés. 100% de nouveautés. Sur 2019, on a fait deux requêtes auprès de notre public, que ce soit celui de la salle chez Narcisse, que le public du festival. Il y en est remonté une volonté de voir des têtes nouvelles. Une volonté d'avoir plus d'artistes féminins et d'ouvrir davantage sur les styles de la programmation. Donc là, on a choisi d'orienter à 100% les nouveautés dans les artistes, donc que ça soit sur les têtes d'affiche à entrée payante ou sur les découvertes sur la rue. 100% de nouveautés, 20 artistes dans 20 styles différents, et on compte pas moins de 8 groupes pour lesquels on a une touche féminine, que ça soit une chanteuse ou un membre du groupe. Super. On se plonge tout de suite dans une ambiance plutôt électropunk qui nous viendront d'Italie. C'est le groupe The Bloody Beetroots, si je le prononce bien. Exactement, qui jouera en tête d'affiche le vendredi soir. On écoute ça tout de suite. Studio Keep Bloody Beetroots. I just want The Bloody Beetroots. Il faut que je travaille mon accent encore un petit peu, hein, mais ça va venir, vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va venir. C'est plutôt pas mal et c'est vrai que ça change. Hein, ça, est-ce que l'acoustique s'y apprête bien à ce genre de musique, là, comme ça? Oui, oui, oui. Oui. Les basses font résonner le parquet, font trembler les murs. On est content. Alors, tu nous le disais tout à l'heure, 20 artistes, 20 styles différents. Alors, c'est voilà, une envie de faire découvrir de nouveaux artistes, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Par quoi on passe comme style, par exemple? On passe de la musique électronique à la musique électropunk, oui. Au punk, à la chanson humoristique, au blues, musique Kudora qui nous vient d'Angola avec la chanteuse Pongo, oui. La musique traditionnelle du monde avec violon barbare qui vient de Mongolie, rock français avec We Hate You Please Die, la musique traditionnelle écossaise, acadienne avec The Lumberjills, la musique chanson reggae métissée, Tukosari, de la musique des Balkans avec Fat Bastard Gang Band et de manière plus générale. La première année, on souhaitait orienter autour des musiques du monde, ah oui. La deuxième aussi. On y est toujours, mais on a élargi sur le fait qu'on ne veut pas se fixer de limites en termes d'ouverture de style de programmation. Et pour résumer le festival, on se décrirait comme festival de musique éclectique, tout simplement. Bah, carrément, c'est ça. Parce que chez Narcisse, on a toujours l'impression qu'il y a un petit peu encore cette étiquette punk, alors que pas du tout, hein, maintenant. Voilà, on fait venir beaucoup de choses. Mais depuis toujours, plus ou moins une étiquette punk qui nous a collé à la peau, mais on n'a jamais eu aucune fermeture en termes de style de programmation depuis le début. Est-ce qu'on répond bien aux besoins, aux envies du public? Est-ce que c'est un petit risque là quand Alors, même Alors, ça on le saura qu'après, vraiment, mais c'est aussi un besoin pour l'équipe, hein, un besoin pour l'équipe de se renouveler, de rencontrer des nouvelles têtes, de se lancer un challenge sans forcément réfléchir à ce qu'attend réellement le public. Hein, c'est d'abord se faire plaisir et essayer d'en apporter au maximum, que ça soit sur le style de musique que dans l'organisation, sur la partie gratuite également qui nous est très très très très importante. Et oui, tout à fait. Comment ça s'est passé la rencontre avec ces nouveaux artistes? C'était des gens que tu connaissais déjà, qu'on suivait de loin, de plus ou moins loin, pour qui on avait déjà discuté pour la programmation en salle sur chez Narcisse. Mais quand il y a 3 mois, on a commencé à se pencher vraiment dans la programmation du festival et à récolter les retours et les avis sur la saison 2019. Donc sur ces 20 artistes, il y avait, on va dire, 4 à 5 artistes qui étaient demandés, donc sur les retours a postés sur les réseaux. Et on a pris la décision d'orienter carrément sur 100% de nouveautés. Donc, c'est super. Ça nous fait du bien. Je pense que si on est bien dans le basket, les gens vont le ressentir. Après, comment est-ce que ça va être perçu? On s'en reparle au mois d'août. Ça marche. Plus de place aux femmes, ça, tu nous le disais tout à l'heure, c'est pareil. C'était une vraie volonté, ça. C'est une vraie réflexion. Une volonté, une réflexion, mais ça s'est fait de manière naturelle, parce que dans les choix de programmation, quand l'année dernière on nous a dit ça manque peut-être d'une petite touche féminine, en fait c'est vrai qu'on n'avait pas du tout intégré cette notion, et on voulait pas l'intégrer pour l'intégrer. Il faut aussi que les choix de programmation se fassent de manière à ce que l'équipe soit à l'aise avec, mais le hasard fait que, et la réflexion font que cette année on a une certaine cohérence davantage par rapport à l'année dernière sur les choix de programmation. Et aussi, on a 8 pays qui sont représentés cette année: le Canada, le Mali, l'Angola, le Portugal, l'Italie, la Belgique, la Mongolie et la France. Et oui, on fait un petit peu le tour du monde là. Alors, pour les femmes, c'est notamment à travers du groupe We Hate You Please Die, groupe de rock venant d'Angers, si je ne me trompe pas. De Rouen, c'est moi qui me suis trompé. Exactement. Bon, voilà. J'ai mal lu. Enfin, en tout cas, j'ai bêtement lu. On écoute tout de suite un morceau et on se retrouve juste après. Still singing, stereo crashing, the fat and brutal on the radio. belle représentation des femmes avec ce groupe We Hate You Please Die, que nous retrouverons quand d'ailleurs ? Le vendredi soir à 22h30. Super. Donc avec Bloody Beetroots, ouais. Circuit Court, The Blue Butter Pot et Moko de Nancy. D'accord. Alors les festivités commenceront donc, vous l'avez bien compris, hein, dès le vendredi 24 juillet. Donc ça commence à partir de quelle heure là ? Premier concert à 20h. Enfin, premier concert à 20h. Tout le site est ouvert à partir de 17h, ou ouais. Même avant si on le souhaite, on peut venir retirer les places. Premier concert dans la salle à 20h. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y aura une place extérieure là ce vendredi soir ou ça commence ? Ouais. Exactement, ouais. Exactement. Selon la météo, en fait l'année dernière le temps catastrophique du vendredi nous a permis de connaître à peu près toutes les situations météorologiques, donc, dont un transformateur électrique qui a explosé au Val d'Ajol, coupure de courant en général. Donc on va s'y préparer cette année et on met une scène extérieure, s'il pleut, ça se passera dans le café ou sous le préau à l'extérieur. On gère. À entrée gratuite. Super. Alors on vous l'a dit, cette année ce sera très éclectique, hein, tu nous en as parlé, on fait un petit peu le tour du monde, en tout cas on essaye avec tous ces artistes et on va écouter tout de suite Pongo. Alors moi personnellement je suis fan. Qui est cet artiste ? Pongo, chanteuse découverte sur Radio Nova. Ah oui. Radio Nova, qu'on écoute régulièrement, et aussi en discussion avec un tourneur qui, avec qui on avait programmé La Rue qui est à nous il y a 2 ans, qui s'est lancé tout seul, et notamment qui soutient cet artiste, donc qui est le coup de cœur de l'année de Radio Nova en 2019. Ah ben. Et entre le moment où on a commencé à en parler il y a un an et demi à peu près, et maintenant, ben, ça verrait qu'il y avait 7 offres sur le même samedi soir partout en Europe. Et du fait qu'on ait l'ancienneté de la discussion et des négociations avec, on a réussi à l'avoir. Wow. On est pas peu fiers, on est très contents parce que c'est un beau coup de cœur. Ah oui. Donc elle nous vient du Portugal et d'Angola. Et le style de musique s'appelle la Kudora musique. D'accord, on va découvrir ça tout de suite. Mano, mano, foi embora. Mano, mano. êtes bien sur Radio Guémozo, nous sommes toujours ensemble pour une heure de voyage dans la bulle aujourd'hui avec mon invité Victor et nous vous donnons un avant-goût d'été avec la programmation et toutes les nouveautés qui vous seront présentées lors de la 3e édition du Pied Orange chez Narcisse au Val d'Ajol, hein, bien entendu. Alors on vient d'entendre Pongo, c'était un petit jeu de mots là, Pongo, vraiment super, moi j'adore. Très belle programmation là pour le coup. Bravo, bravo. Alors, il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises, notamment eh ben, une vraie surprise avec le lancement d'un concert secret. Oui. Alors. C'est dit cette année pour pousser le concept, du festival qui est quand même relativement atypique dans le fait de se passer à la fois dans une salle de concert, dans une rue en plein milieu d'un centre-ville, oui. Samedi après-midi. À 15h, on réserve un concert entièrement secret pour 30 personnes. Oui. Comment on y aura accès? C'est-à-dire qu'on fera un post sur les réseaux et les 30 premiers qui répondront sera réservé aux porteurs de passe 3 jours. D'accord. Les 30 premiers inscrits gratuitement pour ce concert secret qui se passera à 15h le samedi après-midi. On leur donnera rendez-vous devant la salle de concert et on les emmènera pour ce concert secret. Wow. Dans un endroit secret et avec un groupe secret. Eh ben dis donc, en espérant que ça marche, parce que ça a l'air vraiment super sympa comme principe. Oui, c'est vrai qu'on est assez impatients. Qui a eu cette idée incroyable? Bon, c'est nous, c'est l'équipe. C'est l'équipe, on s'est dit... quand on a pensé à l'endroit où on allait le faire, on a commencé à sourire, on était assez contents de nous. Et on s'est dit, allez, go, on y va. On a hâte d'en savoir plus. Alors, une place sera bien entendu laissée aux artistes locaux hein, au sein du festival. Il y aura qui, par exemple? On a tenté de sélectionner un artiste par département qui nous entoure quasiment. D'accord. Circuit Court, duo punk de Épinal. Oui. Amazon Experience, les Alsaciens de Strasbourg, qui jouent la musique électronique techno avec un violon dessus. Ah oui. Qui joueront le samedi soir. Moko, duo punk drum and bass de Nancy. Fat Jeff, un solo blues rock de Belfort. Mystical Faya, groupe de reggae de Besançon. Et un autre groupe de Strasbourg, électro disco The Fat Badgers. Alors je tiens à préciser que même les artistes locaux que tu présentes ne sont jamais venus, hein. C'est vraiment 100% de nouveautés. Jamais venus. Super. Alors il y aura également des animations de rue, hein, et ce dès le samedi après-midi. Qui sera présent pour animer un petit peu le festival durant la journée? Alors pour la rue, on l'annoncera à partir du mois de mars. Ah, d'accord. On se laisse encore un tout petit peu plus de temps. Okay. pour l'animation pour la rue. Cependant, pour le dimanche midi, on va faire commencer les animations beaucoup plus tôt. Ce sera le groupe de musique traditionnelle écossaise acadienne, The Lumberjills, donc 4 violons, 4 jeunes femmes qui jouent du violon et qui joueront pendant le repas entre midi et 13h, 13h30 le dimanche midi. Et on a voulu aussi accentuer, c'était une demande, sans monter une scène propre, on va passer de la musique sur le camping. Donc on a sur le samedi après-midi un DJ qui va passer de la musique entre 13h et 16h à peu près. Voilà, on parlera du camping juste après. Alors, côté gourmandise, on pourra se faire plaisir avec du 100% fait maison. Exactement, sur tout ce qu'on propose à manger, tout est frais, tout est fait maison, de A à Z, du plat principal au sandwich, au dessert. On achète toutes nos marchandises et matières premières en local sur le Val d'Ajol, donc 100% est fabriqué, transformé maison. Quelle équipe, dis donc. J'imagine qu'il y a beaucoup d'investissements derrière tout ça, hein, ouais, c'est bien. Ouais. Alors, une bière, bien sûr, spéciale, le festival Le Pied Orange. On en avait une pour la première édition, pour la deuxième, encore une cette année, et peut-être une en plus pour diversifier davantage. L'année dernière, on a tenté de servir un rhum arrangé maison, donc rhum arrangé, oui. Licence 4, Narcissane, licence 4. D'accord. Même si l'association Rock Live est porteur de l'événement, il y aura un rhum arrangé qui sera proposé, recette spéciale pour le festival. Super. Alors on passe un petit peu à la programmation de ce qui va se passer le samedi, eh bien 25 juillet. Qui allons-nous retrouver durant cette journée? Alors sur le samedi 25 juillet, ouvrirons dans la salle le groupe de blues rock Johnny Montreuil. Mm-hmm. Ensuite, on aura The Fat Badgers, groupe électro-disco de Strasbourg. Ensuite, on aura Violon Barbare, groupe de musique du monde traditionnel de Mongolie. Ensuite, on aura le groupe Amazon Experience. Ensuite, on aura Pongo, on aura Compromat également, et The Lumberjills qui joueront le dimanche et le samedi après-midi. Ah oui, également. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toute la programmation de ce festival directement sur la page Facebook, par exemple, du festival Le Pied Orange. Et nous allons nous plonger une nouvelle fois dans l'éclectisme de cette programmation du samedi 25 juillet au Pied Orange avec Violon Barbare, suivi de Johnny Montreuil. À tout de suite. Pour la couverture. ma gueule, elle te fait peur. Tout fripé, mon accent qui vient d'ailleurs. T'es marre, on se fait chasser de partout. Enfin, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Raté pour un bifton tous les jours. Raté pour la maison, raté de la lune pour des mouchoirs. Pour tous mes gosses et sans paplard. Mes bifton et ce qui reste de mes talbins. Cherche pas à la carte, ça vient de tes poubelles, mon copain. Et si on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, je suis ferrailleur. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau charter. Ouais, c'est comme ça, c'est mon affaire. Des vis, des trangles, des cuisinières, des machines à laver, des cafetières, le dentier de ta grand-mère, la Rolex de ton père. Je deviens fou, je vais te faire partout. Je deviens fou, enfer et contre vous. Je deviens fou, toujours chiner les mêmes escrocs fous. Pour trois louvres et pompes de raccro, à vous messieurs dames, et prix de liberté. Matez-moi mieux que ça quand vous me voyez arriver. Allez, je mène un charme, j'ai ma tire à réparer. En rêve en haut de moi qu'un jour j'aurai beau lever. Chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Oh. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion. Chiner la ferraille. Voilà pour un petit aperçu de ce que vous pourrez retrouver le samedi 25 juillet au sein du festival Le Pied Orange. Alors tu nous as dit tout à l'heure, comme l'année dernière, un camping sera accessible gratuitement, animé. Comment ça se passe en cas de gros orage ? L'année dernière, on a justement eu un énorme orage le vendredi soir. Et merci à la commune du Val d'Ajol qui est venue en un quart d'heure nous ouvrir la salle des sports du village qui est à 200 mètres du camping. Donc tous ceux qui le souhaitaient pouvaient aller dormir dans la salle des sports. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas si jamais tout va bien. On a cette chance d'être soutenu par la commune qui nous aide sur tous les accès aux équipements de la commune, en termes de douches, de camping, qui nous prête un terrain pour faire un camping gratuit, qui nous aide à barrer la route, qui nous aide à nous prêter tout le matériel pour les chapiteaux, pour l'extérieur. Donc, en termes d'aide directe et indirecte, c'est très important. Ça et nous permet de. Qui acceptent aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Qui acceptent. La première année, ils ont dit oui directement, même la deuxième année. Et cette année, ils nous proposent de nous aider encore plus, donc ça nous fait plaisir et c'est pas du tout pour leur passer la main dans le dos que je dis ça, mais en tout cas, merci parce que c'est, voilà. Sans eux, voilà. Ça reste un sport d'équipe. Et voilà. Très bonne relation avec la commune du Val d'Ajol et ça fait plaisir. Je pense qu'on va tous dans le même sens de ce point de vue-là. Voilà. Alors, on voit différents événements sur l'année. Il y a différents festivals un petit peu qui voient le jour ces derniers temps. Hein, voilà, tout le monde propose des choses. En quoi le festival Le Pied Orange est-il différent ? Qu'est-ce qu'il y a de plus chez vous ou de moins ou de différent peut-être ? de différent sur la programmation 100% éclectique, l'organisation à 200% indépendante, c'est-à-dire l'association RockLife qui organise, on organise tout sur nos fonds propres, c'est-à-dire que tout le budget qui est alloué, c'est sur des fonds de l'association ou sur nous qui nous portons garant en tant que membre du bureau, membre de l'association. Un festival qui se passe à la fois dans la rue, en intérieur, en extérieur, un côté gratuit, une ouverture sur des styles qu'on n'a pas forcément encore vus, sans prétention, dans les Vosges, sur des têtes d'affiches qui sont encore jamais venues dans les Vosges. Et je pense que le public le ressent dans les choix de programmation également, c'est que on n'est pas là uniquement pour nous faire plaisir, mais pour faire plaisir. Donc ce qui nous différencie, c'est le côté indépendant, l'éclectisme, et là, voilà. C'est déjà bien. On est attentif à son public, voilà. Vous répondez quand même à la demande de certains qui vous ont donné leur avis sur les réseaux, comme tu le disais. Ça, c'est plutôt une super bonne idée. Et puis, les gens viennent aussi pour la programmation, mais aussi pour le lieu, qui est quand même un lieu mythique maintenant depuis bon nombre d'années. Hein ? Alors ça, c'est un avis extérieur, c'est pas à nous d'en juger, en tout cas, si les gens le pensent, mais c'est comme tout, on ne peut pas se reposer sur des acquis, et le festival, depuis le début, c'est aussi pour ouvrir des portes, tester des choses sur le festival qu'on peut aussi faire en saison. L'exemple, l'année dernière, Bombino, l'artiste qui était venu pour la première année en 2018, qui est revenu faire Salle Comble, le 10 novembre 2019. Donc on teste, on voit les réactions et après on programme dans la saison. Et c'est aussi une part d'ouverture. La musique a aucune frontière. Chez Narcisse, c'est un petit peu un labo, quoi. On expérimente des choses. Quelque part. Alors je vous rappelle que vous pouvez dès à présent réserver vos passes en ligne sur digitik.com par exemple, via la page Facebook du festival peut-être. Oui, qui renvoie sur Digitik ou sur le site Narcisse ou le site du Pierre-Ange. Voilà, et dans quelques temps directement auprès de toi sur place. Oui, exactement, on peut aussi venir au comptoir ou les soirs de concert pour réserver. Voilà. Côté pratique, il existe trois formules de passes, un, deux ou trois jours. Alors les tarifs sont plutôt abordables, on va les donner quand même. On est comme l'année dernière, 25€ pour une journée, 45€ pour deux journées, 60€ pour trois jours. Et en ce moment, il nous reste une offre pour une semaine à 55€ pour les trois jours, uniquement sur digitik.com, plus les frais de location. D'accord, voilà. Alors la dernière journée du festival débutera, elle, à midi, c'est ça ? À midi, en extérieur, avec le groupe acadien The Lumberjills, et des animations pendant l'après-midi jusqu'à minuit. Eh ouais, quand même. Et le mélange des styles, sera une nouvelle fois au rendez-vous. Nous retrouverons, entre autres, Ludwig van 88 pour de la musique punk. Punk, très éclectique. C'est assez difficile de catégoriser Ludwig dans une case en particulier. Et c'est la première fois qu'ils viennent et on en est bien contents. C'est le seul groupe qui a son affiche dans la salle, mais qui n'est jamais venu. Ah ouais, c'est incroyable. C'est Babous qui s'est dit sur un coup de tête, allez, on met une affiche. Non, ils sont encore jamais venus. Du coup, ça me fait plaisir là sur le coup. Exactement. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de cette programmation du dimanche 26 au sein du Festival du Pied Orange. Ne bougez pas. Vous savez, quand j'étais petit, j'essayais de faire pousser du cresson sur du papier buvard. De cette façon, c'est beau. Ludwig van 88 que vous retrouverez sur la scène du Pied Orange le dimanche 26 juillet. Bien sûr, il ne sera pas tout seul hein, ce jour-là. Quels autres artistes seront présents ? Les Vrai Girls, oui. Qui vont jouer vers 18h. The Fat Bastard Gang Band, groupe de musique des Balkans électroniques. Pour résumer, c'est une machine à danser. Ah oui. On écoute le premier morceau, on se laisse emporter complètement. D'accord. Mystical Faya, le groupe de reggae de Besançon. Fat Jeff, solo de blues de Belfort. Touko Sari, groupe de chansons reggae métissées de Belgique. Et The Lumberjills, exact. Et également groupe musique traditionnelle écossaise. Canadienne. Super. Comment tu fais pour, comment vous faites, parce que tu n'es pas tout seul bien entendu, mais pour répartir un petit peu les artistes sur différents jours, est-ce que ça se fait un peu comme ça naturellement ou est-ce qu'il y a une petite stratégie musicale, je veux dire quoi, hein? On commence par d'abord chercher, programmer, valider la tête d'affiche, oui. Et après on essaie de construire autour. Le dimanche, on l'a peut-être plus orienté scène française avec les Vrai Girls, Ludwig, Fat Bastard, Mystical Faya. Sur le samedi, la marraine Rebecca nous a plus ou moins fait orienter vers une touche légèrement plus électronique, c'est-à-dire oui. Avec Pongo, mais derrière il y a entre Comproma qui va jouer en clôture et Johnny Montreuil, groupe de blues rock qui va ouvrir, il y a un éclectisme qui est quand même assez radical, oui. Et Violon Barbare également, et non, il n'y a pas de stratégie quelconque sur le fait qu'on soit vraiment festival de musique éclectique. Alors pourquoi le 24, 25 et 26 juillet cette année ? Parce qu'on a eu peur que sur le dernier week-end s'organise le Chien Plume à Langres, oui. Et ça s'est confirmé. Donc, on est une semaine après, non même pas, on est en même temps que les Pluralises à Luxeuil. Ouais. Leur tête d'affiche sont sur le mercredi, jeudi. D'accord. Et c'est un week-end pendant lequel on n'est pas encore totalement en vacances, mais c'est souvent le dernier week-end avant les vacances. Donc voilà. On en profite à ce moment-là. On en profite. Le dimanche 26 juillet, il y aura également une animation sur le marché local. Exactement. Alors, ce sera ou un artiste de rue ou un artiste musical qui sera annoncé courant du mois de mars à 11h le matin. Oui. Voilà. Okay. Sur le marché dominical. Il me semble que la première année, il y avait un artiste qui était venu un petit peu taguer ta façade, enfin votre façade. Hein? Exactement, sur la première année. Ouais. Sur la deuxième année, on n'a pas souhaité continuer dessus. On va peut-être y repasser cette année. Là, c'est pareil, on se laisse encore un peu de temps pour réfléchir au projet. Donc, un tag qui se passerait sur les 3 jours. Voilà, bah dis donc, c'est plutôt pas mal quand même. Alors on va écouter tout de suite, avant de terminer cette émission, hein, qui est passée à toute vitesse, les Vrai Girls qui nous parlent d'un sujet sensible avec leur chanson Poupine et Thierry sur la chasse. Il faut l'écouter quand même, c'est de la chanson humoristique, mais ça pique un peu. Relativement engagé. The Fat Bastard Gang Band, eux, nous font voyager. Il est temps de les écouter avant de terminer cette émission et de remercier Victor pour sa venue. À tout de suite dans la bulle. Un petit lapin qui s'appelait Poupine avait rendez-vous avec sa poupinette. Ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne sa copine, parce qu'en fait, Poupinette, c'était une belette. Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs, il est con. Aller chasser, il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur, il est con. Centré sur son gibier, Poupine lapin papouille l'arrière-train de Poupinette qui s'écrie oh vas-y fais-moi mal. Ça réveille Bernadette, Bernadette la vieille chouette qui bondit une belette. Un lapin c'est pas normal. Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con. Forme à la tradition, si il écrase des fleurs, c'est à cause de son tout-terrain, puisqu'il est con. Ducteur, attention, petit lapin, derrière toi, c'est toute la forêt qui commence à s'ébranler, prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette qui vient te coller une branlée. Thierry le chasseur a une grosse salue, puisqu'il est con. Vaincu d'avoir vu une belette coller un pain à un tout petit lapin, il est con. Travaillé d'avoir pas pu sortir son fusil pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est con. Ok, au commando spécial de son parti pour aller jeter des œufs pourris sur les congressistes écolos. Voilà pour un petit bout de ce que vous pourrez retrouver le dimanche 26 juillet au sein de la troisième édition du Pied Orange chez Narcisse au Val d'Ajol. C'était plutôt pas mal, très très éclectique. Je pense qu'à mon avis, ça va plaire à beaucoup. Bravo pour la programmation. En tout cas, c'est personnel, mais je félicite quand même. Merci. Compliment à l'équipe. Voilà. Alors, on a un petit peu fait le tour, en tout cas concernant la programmation et tout ce que vous pourrez retrouver au sein du festival Le Pied Orange. Avant eh bien, le lancement de ce festival, il y a quand même un petit bout de programmation qui reste quand même chez Narcisse. On retrouve quoi en salle? On retrouve le 9 février l'Ophophora qui vient présenter son nouvel album avec le groupe de heavy blues rock de Strasbourg, Dirty Deep. D'accord. Et le groupe de fusion de de Remiremont, Infréquençable. Et oui, que l'on salue. Le 9 février, et il nous reste des places. Ensuite, on a une soirée pour la Saint-Patrick en repas et concert, le 21 mars, mais qui est complète, avec le groupe de rock celtique The Moorings de Celesta. Et oui. Et le 5 avril, la chanteuse brésilienne de Bossa, Flavia Coelho, avec le groupe du Liban qui s'appelle Molo Saya. D'accord. Plus, derrière, toute une programmation dans le café de concerts entrée gratuite qui va durer jusqu'au mois de juin, juillet. On a à peu près un tous les 15 jours de maintenant jusqu'à mi-juin. Du coup, plus de temps mort là avec le festival, à part au mois d'août, peut-être Début juin, une fois que les festivals autour de nous commencent, surtout, on va dire, une fois que le Jardin de Michiel commence, on fait une petite pause, parce que c'est difficile de capter l'attention, et les gens ont envie de bouger un peu comme nous et prendre le soleil, donc ça fait du bien. Ben voilà. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la programmation de chez Narcisse ou pour le Festival du Pied Orange directement sur la page Facebook, d'autres réseaux, Instagram, un site internet. Exactement. Voilà. Internet chez Narcisse.com, piedorange.com, Facebook le Pied Orange ou chez Narcisse, Instagram chez Narcisse. Voilà. Plus de problèmes pour retrouver tout ça. Voilà pour cette émission spéciale, le festival Pied Orange organisé par Narcisse Val d'Ajol les 24, 25 et 26 juillet. Merci beaucoup à toi Victor pour ta venue au sein des studios de Radio Guémozo. On vous souhaite plein de bonnes choses. On embrasse toute l'équipe bien entendu. Tu leur passeras. Merci Guémozo. Auditeur, la suite des programmes continue. On se retrouve bientôt pour de nouveaux voyages au sein de la bulle. Et en attendant, eh bien, c'est comme tous les jours. Hein, n'oubliez pas. Et c'est bonheur, joie et rire à tous. Give me that.